Robert Toulmont a été inspecteur des finances, chargé de mission à la Direction générale des prix et des enquêtes économiques, puis conseiller technique au cabinet du ministre des Finances et des Affaires économiques. Entre autres fonctions, il occupa celle de chef de cabinet de Robert Marjolin et celle de directeur à la Direction générale des relations extérieures de la commission de la CEE. Directeur général des affaires industrielles, technologiques et scientifiques aux communautés européennes, cet ancien inspecteur général des finances a créé en 1974 l'Association française d'études pour l'Union européenne, AFEUR. Cette association a rejoint HARI en janvier 2004. Le club Europe HARI AFEUR a pour objectif de promouvoir les études, les réflexions et les débats sur la construction européenne en vue de sa finalité, l'Union européenne. Soucieux de culture, Robert Toulmont fut aussi membre de la Commission supérieure des monuments historiques, administrateur de Radio France Outre-mer, puis de la Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et des monuments, et depuis 1986, du Muséum d'histoire naturelle. Son intervention devant l'Académie des sciences morales et politiques insiste sur les valeurs éthiques, politiques et culturelles spécifiques à l'Europe et sur les devoirs de celle-ci dans le concert des nations. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Chancelier honoraire, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, je suis sensible à l'honneur que vous me faites en m'écoutant aujourd'hui et j'espère que je ne vais pas lasser votre attention après ce long préambule électoral. Dans un ouvrage intitulé « La fin de l'histoire et le dernier homme » paru dans sa traduction française en janvier 92, l'auteur américain d'origine japonaise Francis Fukuyama prophétisait l'avènement universel de la démocratie libérale. Cet ouvrage fut accueilli avec quelque ironie, notamment dans notre pays. Certains critiques avaient oublié qu'il s'agissait d'une prévision à long terme, et ils ont cru voir dans la première guerre d'Irak, puis dans les attentats d'Al-Qaïda, un démenti à ces thèses. Personne, en revanche, me semble-t-il, n'a relevé ce qui, à mes yeux, constituait la faille principale des démonstrations de Fukuyama. Parmi les contradictions dont les solutions successives suscitent, selon la dialectique hegelienne, de nouvelles contradictions, l'auteur nippo-américain me semble avoir ignoré ou négligé la principale. Je veux dire celle qui oppose un besoin sans cesse croissant de gouvernance universelle et la multiplication des souverainetés étatiques, puisque, comme vous le savez, l'ONU compte désormais près de 200 membres. À supposer que s'accomplisse l'extension à toute la Terre de régimes démocratiques, la coopération entre 200 États souverains de dimension et de capacité extraordinairement disparate ne constituerait pas une réponse adéquate aux défis de tous ordres, du terrorisme aux menaces écologiques, en passant par l'anarchie qui règne dans beaucoup de pays, ne constituerait pas, dis-je, une réponse adéquate aux défis qui menacent la civilisation et qui pourraient même menacer la survie de l'humanité. L'Organisation des Nations Unies, dans ses structures héritées de la Deuxième Guerre mondiale, n'est manifestement pas en mesure de définir et moins encore d'imposer un ordre mondial qui assure une véritable coexistence pacifique des civilisations et leur progrès. Pour y parvenir, l'organisation devra expérimenter, ça ne sera pas facile, j'en suis bien conscient, devra expérimenter l'exercice en commun de la souveraineté sans que cela apparaisse pour autant comme le déguisement d'une hégémonie. Or, il existe un continent, le nôtre, qui a poussé plus loin que cela n'avait jamais été fait, ni même imaginé. la limitation, ce que je pose, qu'on pourrait appeler la limitation organisée de la souveraineté, ou si vous préférez, son exercice en commun. Cette expérience, l'expérience communautaire européenne, présente un intérêt qui dépasse les frontières du continent. Considérée dans le reste du monde, avec souvent plus d'attention, plus d'intérêt que dans ses propres frontières, cette expérience pourrait très utilement inspirer la profonde réforme des Nations Unies qui s'imposera tôt ou tard. Je crains que ce soit d'ailleurs plutôt tard que tôt, mais qui devrait s'imposer. Telle est la conviction que j'aimerais vous faire partager en développant les deux idées suivantes. En premier lieu, ce qui a été accompli en Europe présente un intérêt majeur pour l'humanité dans son ensemble. En second lieu, promouvoir une réforme progressive mais radicale des Nations Unies pourrait et devrait être le premier objectif d'une véritable politique étrangère européenne. Bien, tout d'abord, la portée historique et universelle de la construction européenne a été pressentie par l'un de ses principaux fondateurs, Jean Monnet. Vous trouverez en effet à la dernière page de ses mémoires une phrase que ses continuateurs ont parfois oubliée. Je cite « La communauté n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain. » Ceux, et ils sont nombreux dans notre pays, qui assignent à l'Europe l'objectif de s'ériger en une nouvelle grande puissance qui serait comparable à celles qui, à tour de rôle, ont dominé le monde occidental depuis la fin du Moyen-Âge et qui ont été à l'origine de tant de conflits, se bercent d'illusions. Beaucoup de nos compatriotes rêvent d'une Europe puissance qui serait une sorte de France élargie aux limites du continent et dont le principal objectif serait d'équilibrer l'hyperpuissance américaine, pour reprendre la formule d'Hubert Védrine. Ce sont souvent les mêmes qui répugnent au transfert massif de souveraineté et de ressources financières qu'impliquerait un tel objectif. Tout aussi ambitieux, me semble-t-il, mais plus conforme aux aspirations des hommes d'aujourd'hui et plus conforme aussi aux inclinations de la plupart de nos partenaires, serait un grand dessein européen, celui de contribuer par l'exemple et l'influence plutôt que par la force, mais sans s'en interdire l'usage dans des cas extrêmes, un grand dessein qui serait de contribuer par l'exemple et l'influence à un ordre mondial véritable, un ordre qui réponde aux intérêts généraux de l'humanité. Certains traits spécifiques de ce qui se construit en Europe depuis 50 ans justifient cette ambition. Ces traits relèvent de l'éthique, du droit et de la politique. Éthique d'abord, c'est une valeur éthique fondamentale, celle de la réconciliation qui est à l'origine de l'Europe communautaire. S'il est une démarche dont notre pays puisse s'enorgueillir, c'est d'avoir tendu la main à l'Allemagne si peu de temps, 5 ans à peine après la fin du dernier conflit. De Robert Schuman à Charles de Gaulle et à ses successeurs, cette politique a été poursuivie avec une remarquable continuité. L'accolade de Colombey et la poignée de main de Verdun ont sans doute fait plus que les traités pour la réconciliation des deux peuples de part et d'autre du Rhin. Moins spectaculaire, mais bien réelle, on n'y pense pas suffisamment, est la transformation en profondeur des relations entre, par exemple, l'Angleterre et l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, l'Allemagne et les pays du Benelux. Une évolution semblable s'amorce aujourd'hui dans les relations entre l'Allemagne et la Pologne, ainsi qu'entre la Grèce et la Turquie, depuis que 2 tremblements de terre ont fait découvrir la solidarité à ces deux peuples si longtemps ennemis. Si dramatique qu'ait été notre incapacité à faire obstacle aux guerres atroces qui ont accompagné l'éclatement de la Yougoslavie, les chances de pacification des Balkans de l'Ouest reposent entièrement sur la perspective d'adhésion à l'Union de ces peuples. Le contre-exemple de la Yougoslavie, où l'Europe a été défaillante, ne doit pas nous faire oublier les nombreux conflits qui menaçaient après l'effondrement de l'Empire soviétique. qui menaçait d'ensanglanter l'Europe centrale et que le prestige de l'Union, son influence et, par-dessus tout, le désir de la rejoindre ont permis d'éviter. L'Europe et le droit. Les innovations juridiques et institutionnelles élaborées pour parvenir au partage de la souveraineté en Europe sont un autre accomplissement dont nous pouvons être fiers. Notre expérience a déjà inspiré certains groupes régionaux, l'ASEAN en Asie, le Mercosur en Amérique latine et plus récemment l'Union africaine qui a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine et qui cherche à s'inspirer du modèle européen. Le premier de ces problèmes est la conciliation entre deux principes contraires et dont la contradiction handicape l'organisation internationale, l'égalité juridique des États et celui de la représentation et le principe de la représentation équitable des citoyens. Eh bien, en Europe, au terme d'une évolution lente et parfois difficile, un équilibre s'est établi par la coexistence d'une institution intergouvernementale représentative des États, le Conseil, Conseil européen, Conseil des ministres, et une institution intégrée élue par les citoyens, le Parlement européen. Aussi bien dans le Parlement qu'au Conseil, la représentation des États n'est pas strictement proportionnelle à leur population, mais elle en tient néanmoins largement compte, ce qui permet aux grands États les plus peuplés de peser davantage dans celles des décisions qui relèvent du vote majoritaire et qui deviennent le plus grand nombre. Ainsi est assuré un équilibre, toujours difficile, entre pays plus ou moins peuplés. Par comparaison, l'égale représentation des États à l'Assemblée générale de l'ONU, qu'il compte quelques milliers d'habitants comme certaines îles du Pacifique, ou plus d'un milliard, 1,5 milliard même concernant la Chine, enlève toute légitimité à des résolutions ainsi adoptées, dont d'ailleurs, vous le savez, beaucoup demeurent lettres mortes. Une voie de réforme parmi bien d'autres serait de classer les États membres en un certain nombre de catégories en fonction de leur population. Le Conseil de sécurité est lui-même de moins en moins représentatif. De très grands pays demeurent à l'écart de la liste des membres permanents, qu'il suffise de citer l'Inde, le Japon, le Brésil, l'Allemagne. La représentation des continents par des États désignés à tour de rôle, sans considération de la nature de leur régime ou de leur capacité à exercer des responsabilités internationales, n'est pas satisfaisante. Les tentatives de réforme se heurtent à la difficulté d'opérer des choix entre les candidats à de nouveaux sièges permanents. On a même vu ces dernières semaines un contentieux s'ouvrir entre l'Allemagne et l'Italie à ce propos. Une voie de réforme entièrement nouvelle, qui sera bien difficile à faire admettre, mais qui me paraît féconde, consisterait à faire entrer au Conseil non pas de nouveaux États avec des sièges permanents, mais des groupes régionaux qui seraient librement constitués. Les titulaires actuels des sièges permanents les conserveraient au cours d'une période transitoire, à défaut de quoi ils n'accepteront jamais cette réforme. En même temps, l'exercice du droit de veto devrait être limité, encadré. Mais l'innovation la plus originale du système européen, et celle qui pourrait également inspirer les Nations Unies, c'est le rôle confié à une instance collégiale émanant des États, mais indépendante, en charge de l'intérêt commun. La Commission européenne, non élue certes directement, mais démocratiquement mandatée par des instances elles-mêmes élues, les gouvernements nationaux, le Parlement, dispose du monopole de l'initiative dans les domaines de compétences communautaires. Son rôle d'arbitre sous le contrôle politique du Parlement et sous le contrôle juridique de la Cour de justice protège les petits États, les États moins peuplés, contre le risque toujours redouté d'une hégémonie d'un directoire des plus grands. Eh bien, l'efficacité de l'ONU serait, me semble-t-il, considérablement renforcé si son secrétariat général revêtait un caractère collégial et se voyait reconnaître expressément une mission de promotion des intérêts communs de l'humanité. L'actuel secrétaire général, Kofi Annan, sans doute l'un des plus remarquables qu'ait connu l'organisation, s'efforce avec beaucoup d'habileté de jouer ce rôle. Mais il est le premier à reconnaître qu'il n'en a pas les moyens juridiques et politiques. Un secrétariat collégial où seraient présentes, toutes les grandes régions géopolitiques de la planète pourrait se voir confier la mission de contribuer à ce que certains disent civiliser la mondialisation, notamment en assurant une meilleure coordination de l'action des organisations spécialisées qui souvent paraissent agir à U et à DIA. L'objectif serait en particulier d'établir, sinon une synergie, au moins une non-contradiction entre les organisations à finalité économique et monétaire, j'entends par là la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, et les organisations dont la mission est de promouvoir un développement humain universel, l'Organisation mondiale de la santé, le Bureau international du travail, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, l'UNESCO et j'en oublie. Enfin, Europe et politique. Pour ce qui est enfin de la politique, l'expérience européenne est également riche d'enseignements dont l'Organisation des Nations Unies pourrait tirer le plus grand profit. Les institutions européennes, en premier lieu le Conseil de l'Europe dès 1949, puis les communautés à partir de 1950-60, inaugurèrent ce que l'on pourrait appeler la conditionnalité démocratique. On sait le rôle décisif que cette conditionnalité a joué dans l'évolution de nombreux pays vers l'état de droit, la démocratie, le respect des minorités. Pour la Grèce, l'Espagne et le Portugal, hier, pour les pays d'Europe centrale et orientale, aujourd'hui, l'adhésion à l'Union n'a pas seulement accompagné la démocratisation, elle l'a encouragée et consolidée. D'ailleurs, la démocratisation était un préalable que ces États ont dû satisfaire. Est-il réaliste d'envisager l'extension de la démocratie à l'ensemble du monde, comme semblent le croire nos amis américains, du moins certains d'entre eux? On peut certes se poser la question, et sans doute vous la posez-vous. En revanche, l'idée suivant laquelle seules les populations occidentales aspireraient au respect des droits humains fondamentaux me paraît difficile à soutenir. L'aspiration à la liberté n'est-elle pas universelle? Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures a conduit l'ONU à admettre que le siège de tel ou tel de ses membres soit durablement occupé par des autorités tyranniques dont l'activité principale consistait non pas à veiller au bien-être des populations, mais à procéder à leur massacre. C'est le spectacle auquel nous avons assisté au Cambodge, puis au Rwanda. C'est hélas le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui à Soudan. J'aurais pu citer encore d'autres pays comme la Sierra Leone, où l'on coupait les bras et les jambes des malheureuses victimes. Dans son dernier ouvrage « La terreur et l'empire », évoquant ces horreurs, Pierre Asner ose poser la question « Un État qui n'est pas un État de droit a-t-il des droits ?» De naissance à la formule de la charte « Nous les peuples », ce sont les premiers mots de la charte, consisterait en premier lieu à déterminer un critère d'appartenance à l'organisation consistant dans l'existence d'un gouvernement représentatif, ce qui ne signifie pas nécessairement un gouvernement démocratique au sens où nous l'entendons, mais d'un gouvernement accepté, au moins toléré, par la population qui l'administre et qui se donne d'autres tâches que de la martyriser. L'ONU a été conçue pour régler les conflits entre États souverains. Elle est impuissante face à des conflits internes à ses États membres, si affreux soient leurs conséquences. Forte du prestige que lui valent ses réalisations, l'Europe devrait être en mesure de proposer une atténuation au principe de non-ingérence et de faire reconnaître non seulement un droit, mais un devoir d'ingérence, dans un nombre de cas, bien entendu, limité et bien précisé. C'est l'honneur de notre pays d'avoir promu ce concept révolutionnaire dans les relations internationales. Il reste à l'introduire dans la charte, en l'assortissant, et qui ne pourrait pas être introduit si on ne l'assortissait de garanties contre des abus qui pourraient en résulter. Mieux que les États-Unis, dont la puissance et l'unilatéralisme font peur, l'Europe est bien placée pour promouvoir un multilatéralisme des droits humains fondamentaux. Ceci m'amène à la deuxième partie de ma présentation qui sera plus brève. Pourquoi l'Europe devrait-elle se donner, selon moi, comme objectif de promouvoir un ordre mondial démocratique? Eh bien, parce que cela me paraît répondre à la fois à nos intérêts et à notre vocation. Mais un objectif aussi ambitieux suppose que l'Union parvienne à dégager sa politique étrangère de celle des États membres et des contradictions qui les opposent encore. Elle implique aussi la prise en compte de deux obstacles contradictoires, mais en quelque sorte cumulatifs, l'unilatéralisme américain et la méfiance envers l'Occident des peuples naguère soumis à sa domination. Héritière des traditions diplomatiques de ses États membres, l'Union européenne peine à donner un contenu à cette politique étrangère commune dont elle est censée s'être dotée depuis le traité de Maastricht. La France voit dans l'Europe une France élargie, ambitionnant d'équilibrer la puissance américaine. La Grande-Bretagne lui assigne le rôle de partenaire privilégié des États-Unis. L'Allemagne hésite entre un pacifisme hérité du désastre nazi et le désir de s'affirmer au centre d'une fédération continentale. Les nouveaux adhérents voient dans l'OTAN, plus que dans l'Europe, la garantie de leur sécurité. Enfin, l'Italie et l'Espagne voient dans leurs relations avec Washington une assurance contre la menace toujours redoutée par eux d'un directoire franco-allemand, voire anglo-franco-allemand. La guerre d'Irak a cruellement mis en lumière ces divisions au moment même où siégeait la convention que présidait M. Giscard d'Estaing. La leçon à tirer de ces difficultés est bien claire. La politique étrangère européenne ne sera pas l'impossible synthèse de politiques nationales préexistantes. Elle ne prendra corps et substance qu'à partir d'un intérêt européen commun, qui est bien autre chose que la somme des intérêts particuliers de chaque État. Or, promouvoir à partir de son expérience un ordre mondial qui en soit un, répond à la fois, je le disais, à la vocation de l'Europe et à ses intérêts. Située, comme nous le sommes, au voisinage des zones les plus troublées de la planète, l'Europe peut moins que l'Amérique compter sur les océans pour assurer sa sécurité. L'usage discrétionnaire de la puissance militaire lui est interdit par ses structures et ses principes. Elle peut difficilement se résigner à la persistance de conflits qui nourrissent le terrorisme au Moyen-Orient et enfoncent le continent africain dans un chaos sans espoir. Le plus grand succès de l'Europe, dont ses citoyens sont à peine conscients, mais qui est admiré partout dans le monde, a consisté à substituer au traditionnel rapport de force un ordre juridique supranational. Face aux deux visions américaines de la globalisation, celle d'un monde apaisé parvenu à la fin de l'histoire que nous offre Fukuyama et celle d'un monde condamné au choc des civilisations dont nous menace Samuel Huntington, l'une et l'autre sans doute trop systématiques, les Européens sont bien placés pour promouvoir un ordre mondial acceptable sur tous les continents. Mais, pour avoir une chance d'être prise au sérieux, une initiative européenne de cette nature devrait répondre à deux exigences, il est vrai, difficilement conciliables. Tenir compte de ce qu'il y a de fondé dans les réactions américaines face à l'insécurité internationale, mais prendre aussi en compte le rejet quasi instinctif de la plupart des pays anciennement colonisés ou dominés à l'égard de tout ordre mondial qui serait ou paraîtrait imposé par le Nord ou l'Occident. Beaucoup d'Européens sont tentés par un pacifisme irresponsable que j'entendais avant-hier M. Casanova qualifier d'helvétisme. Voire certains sont également tentés par une posture de solidarité avec le Sud contre l'hégémonisme américain. Les choses étant ce qu'elles sont, et l'Amérique de très loin est pour longtemps la première puissance du monde, tout projet d'ordre mondial sera voué à l'échec tant qu'il rencontrera l'opposition des États-Unis. Toute innovation, nous devons en être conscients, qui serait de nature à réduire si peu que ce soit la liberté d'action que confère aux États-Unis leur formidable puissance militaire, ne peut que leur déplaire dans un premier temps. Mais il n'est pas exclu qu'à un terme qui pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine, les États-Unis, qui sont sujets à des tentations récurrentes d'isolationnisme et dont les moyens humains et budgétaires ne sont pas sans limite, trouvent intérêt à un partage du fardeau écrasant que représente l'établissement et surtout le maintien d'un monde plus sûr. Or, la participation aux charges ne se conçoit pas sans une participation aux responsabilités. Ce n'est pas seulement l'argent des Européens, mais leur expérience qui peut se révéler utile. Cependant, les chances d'une évolution positive de l'attitude des États-Unis seront meilleures si nous comprenons mieux leur exigence d'une lutte plus déterminée, plus résolue contre le terrorisme, ainsi que contre la diffusion des armes de destruction massive. La deuxième condition pour rendre possible l'édification d'un ordre mondial démocratique est d'obtenir l'assentiment des peuples autrefois dominés. Les frustrations engendrées par la misère entretiennent et prolongent celles héritées de l'époque coloniale. C'est pourquoi une politique mondiale des droits humains ne peut se limiter à la défense des libertés formelles. Elle doit, pour se rendre acceptable, inclure la prise en compte des besoins humains fondamentaux que sont l'accès à l'eau potable, l'alimentation de base, la protection contre les grandes endémies, l'éducation élémentaire. Satisfaire ces besoins devrait être la tâche de l'Organisation des Nations Unies et de ses agences, au même titre, avec la même priorité que le maintien de la paix dont elle est indissociable. Dans ce domaine également, l'expérience européenne est riche d'enseignements. Par sa politique dite de cohésion, l'Union est parvenue en quelques années à combler l'écart de richesse qui séparait ses membres les plus pauvres de la moyenne européenne. Pour ce qui est des pays du Sud, nous n'avons pas pris conscience, ou pas suffisamment, de l'éclatement de ce que l'on appelait naguère le tiers-monde, entre des pays émergents à croissance extrêmement rapide et d'autres plus proches de nous, à vrai dire, qui stagnent ou qui reculent, particulièrement en Afrique, sous l'effet désastreux et cumulatif de la corruption, du mauvais gouvernement et des conflits ethniques. Cette situation ne peut qu'accroître la pression migratoire qui pèse sur l'Europe. Ces pays ont besoin à la fois d'une aide intelligente et d'une tutelle ferme que les anciennes puissances coloniales ne sont plus en mesure d'assurer. Nous en faisons l'expérience cruelle en ce moment même en Côte d'Ivoire. Seule une organisation des Nations Unies réformée et dotée de moyens appropriés, par exemple par l'impôt mondial proposé récemment par le président Chirac, pourrait assumer cette tâche, sans doute en prenant appui sur la nouvelle Union africaine, mais en tenant compte de la limitation de ses ressources et de sa faible expérience historique. L'Union européenne élargie pourrait trouver dans la promotion patiente d'un compromis planétaire entre le Nord et le Sud, la base de cette politique étrangère et de sécurité commune annoncée à Maastricht, mais demeurée sans contenu significatif jusqu'à présent. À condition de le vouloir, évidemment la volonté politique est essentielle, elle pourrait tirer de sa relative faiblesse une capacité d'influence réunissant des États qui les uns se veulent et se sentent très proches des États-Unis et d'autres, qui milite en faveur d'un monde multipolaire, elle est assez bien placée pour jouer le rôle d'un médiateur. L'essentiel du message, j'arrive, Monsieur le Président, à ma conclusion.

Denis. Guilbault explore toutes les formes modernes de la croyance et les pathologies aussi qui s'y rattachent. On en parle avec lui tout à l'heure. Il est 7h sur France Culture. Et la première édition du journal vous est présentée par Jean-Louis Crimon. Bonjour, le retour des universités d'été, rituel bien en place pour mieux préparer la rentrée. À La Rochelle, le Parti Socialiste n'a pas ou n'a pu cacher ses divisions sur la stratégie à conduire avec le reste de l'opposition de gauche. Le premier secrétaire François Hollande entend bien rester le patron du PS. Analyse et commentaire François-René Christiani. À l'UDF, les critiques de Gilles de Robien ont fortement déplu aux proches de François Bayrou, mais également aux militants du Parti centriste. Les deux hommes ne se seraient parlé que d'éducation nationale, récit de Frédéric Pommier. Université d'été encore au MEDEF, Laurence Parisot en donnera le coup d'envoi cet après-midi à Jouy-en-Josas, dans les Yvelines. Projet premier, réfléchir à la réconciliation de l'opinion publique avec le monde de l'entreprise. Explication de Jean Garrigue, professeur à l'Université d'Orléans. Enfin, en Irak, le président Jalal Talabani estime que le texte de la Constitution est désormais prêt pour être soumis à référendum au terme de discussions et de négociations difficiles. Le Premier ministre chiite Ibrahim Jafari a qualifié la Constitution irakienne de réalisme historique. Reportage de Nicolas Hénin. Mais tout d'abord l'ouragan Katrina en Louisiane du Sud. 500 000 personnes ont dû être évacuées de la Nouvelle-Orléans, provoquant de gigantesques embouteillages sur les routes. Le cyclone est désormais de catégorie 5, tout comme le cyclone Camille qui en 1969 avait fait plus de 400 morts dans la région. La Nouvelle-Orléans s'attend à être touchée à cause de sa topographie particulière. Explication à Washington, Pierre-Yves Dugas. De toutes les grandes villes côtières américaines exposées au risque d'ouragan, la Nouvelle-Orléans est la plus vulnérable car elle est construite dans une cuvette entre le lac Pontchartrain au nord et le vaste lit du Mississippi au sud. Le scénario catastrophe, redouté par les autorités depuis des années, est celui d'une montée du niveau des eaux qui dépasse ou fasse céder les digues qui protègent la ville. La cité est par endroits à 3 mètres en dessous du niveau de l'eau et dépend en temps normal d'un réseau de canaux, de murs et de pompes pour rester sèche. Or, Katrina menace la ville d'abord d'un déluge de 38 cm d'eau, en outre de la montée attendue du niveau du golfe du Mexique de plusieurs mètres. Inondée, privée d'électricité, de téléphone, la cuvette de la Nouvelle-Orléans deviendrait alors un lac toxique, saturé d'eau d'égout et de polluants pétroliers provenant des multiples raffineries et installations pétrochimiques dans la banlieue. Pierre-Yves Dugas, Washington. En France, le ministre des Transports, Dominique Perben, l'avait promis. La Direction Générale de l'Aviation Civile a publié cette nuit sur son site internet www.dgac.fr la liste noire non définitive des compagnies aériennes interdites dans l'espace français en raison du danger qu'elles pourraient représenter en raison de leur non-conformité aux normes internationales. 5 compagnies figurent pour l'instant dans cette liste noire. La nord-coréenne Air Koryo, l'américaine Air Saint-Thomas, la libérienne internationale Air Service, la mozambicaine Lineas de Mozambique et la thaïlandaise Phuket Airlines. Réaction immédiate du syndicat national des contrôleurs du trafic aérien. La publication en France d'une liste noire des compagnies aériennes n'est qu'un modeste pas dans un domaine qui nécessite bien davantage. Le SNCTA réclame la création d'une base de données européenne répertoriant l'ensemble des défaillances constatées en vol. Il y a 25 ans, les socialistes avec François Mitterrand voulaient changer la vie. Aujourd'hui, un quart de siècle plus tard, donc, avec François Hollande, certains d'entre eux voudraient simplement changer la gauche. Selon eux, pour mieux reconstruire un vrai projet, à partir du nom de gauche à la Constitution européenne, mais le premier secrétaire du Parti socialiste ne l'entend pas de cette façon. À La Rochelle, au terme de la 13e université d'été du PS, François Hollande a confirmé sa volonté de verrouiller les alliances à gauche. Pour mieux contrer, sans doute, Laurent Fabius. François Hollande, c'est le titre de la une de notre confrère Libération ce matin, dit non à l'union des noms, manière de dire oui, c'est vrai, à un autre projet, en intégrant cependant, non sans une réelle habileté, les propositions de ses principaux rivaux. À La Rochelle, François-René Christiani. Les militants de La Rochelle l'attendaient et François Hollande ne les a pas déçus. Dans leur souci de relégitimation d'un parti écorné par le référendum européen et d'un premier secrétaire comme étouffé par le barnum des prétendants à la présidentielle, les socialistes ont fait un triomphe au discours rassembleur, pugnace et souvent ironique d'un François Hollande en appelant à la responsabilité de tous. Premier passage obligé, le carton rouge à une droite qui met la France en faillite et la dénonciation redoublée du clientélisme cocardier du Premier ministre, des mystifications du président de l'UMP et enfin de l'irresponsabilité politique du chef de l'État. Mais s'opposer utilement, c'est aussi proposer, et le catalogue de mesures du Premier secrétaire a